9h moins 4. Hein. Le 7-9 sur France Inter. François Morel, c'est à vous. Bonjour, je me présente, je suis l'attaché de presse du bon Dieu. Dans un milieu extrêmement compétitif sur le marché de la foi, des croyances, de la sorcellerie, je peux dire que je touche ma bille. Depuis une éternité, la couverture médiatique du bon Dieu est énorme, gigantesque, indépassable. Le bon Dieu fait le buzz. Son plan média est infaillible, puisqu'on ne le voit jamais et qu'il reste énormément présent dans de nombreux esprits. En effet, sans apparaître jamais de manière publique, un peu à la manière d'un Jean-Jacques Goldman, qui reste la personnalité préférée des Français sans jamais participer à aucune émission de télévision, le bon Dieu, qui est à peu près de la même génération que Michel Drucker, ne s'est encore jamais assis sur son fameux canapé rouge. Pourtant, quelle carrière, quel souvenir, mon Dieu. Mais voilà, le bon Dieu, il est comme ça, il a son petit caractère et il n'a pas très envie de communiquer sur son quotidien. Il pense, peut-être à juste titre d'ailleurs, qu'une part de mystère est indispensable pour conserver son aura. Parfois, j'avoue que j'aurais envie de l'encourager à faire juste une petite apparition, mais non, le bon Dieu est intraitable. Pourtant, moi, en tant qu'attaché de presse, je ne peux pas constamment frustrer tous ces millions de followers, d'admirateurs qui aimeraient bien en savoir un peu plus sur la manière dont il occupe ses journées. C'est très simple, depuis une éternité, peut-être même un peu plus, le bon Dieu est vautré dans les nuages, comme dans un fauteuil Ikea. Il a une zapette à la main, ça lui permet de regarder sur grand écran les différentes parties du monde. Il n'est pas malheureux, il a tout un tas de petits anges autour de lui qui volettent et qui lui apportent des rafraîchissements quand il en a envie. De temps en temps, les anges descendent sur Terre pour se dégourdir les ailes, mais pas souvent. Ils se disent que s'ils apparaissent trop sur la planète, ils vont finir par agacer. Regardez... L'ange gardien Mimi Mati m'a récemment dit un chérubin, elle sourit, elle est gentille et tout le monde lui tombe dessus. Babette de Rosière la traite de raciste, Patrick Timsit parle de son trou de balle. Pour vivre heureux, vivons cachés. J'ai été très surpris par la façon dont les anges dans le ciel sont très au fait de l'actualité des people français. Il y a 2000 ans, le bon Dieu avait envoyé son fils sur la terre. Ça lui avait permis de lancer la machine. Ça lui avait permis d'avoir une grosse actu. Aujourd'hui, le bon Dieu est un peu, comment dire, morose. Il se dit que tous ces combats, toutes ces guerres, ces conflits armés, c'est un peu trop. Récemment, il a croisé Jacques Chancel qui lui a demandé « Et l'homme dans tout ça ?»« Bah, a répondu le bon Dieu, moi au départ, je vous signale, je suis amour. Alors il ne faut pas croire que ça me fasse plaisir quand l'homme met la planète à feu et à sang. » Et puis, il a cité Albert Camus « Peut-être vaut-il mieux pour Dieu qu'on ne croit pas en lui. » Alors moi, en tant qu'attaché de presse, je rends mon tablier, je propose qu'on ne croit plus en lui et qu'on essaie de vivre heureux sur la terre, comme dirait Prévert, rien que pour donner l'exemple. François Morel, merci beaucoup et à vendredi prochain, François.